Un nouveau jour se lève sur un horizon perdu. J'observe, j'ai pas vu ce qu'ils ont gagné, j'ai vu ce qu'ils ont perdu. J'ai vu ce qu'ils ont pu faire, du reste un bon sang. Leur intelligence séparée par un muret inconscient atterri dans une histoire d'un petit rue banal, banal. Dans le bon sens, mais pour combien de temps, vu qu'ici ça bifurque pas mal. Ici c'est carnage, brave mais lâche, s'attache pas, ici c'est LH. Depuis tout baisseau, je lâche des faces, même blasé, je place des blases. Ex-footeur de ce bel en classe, peu d'endroits où tu peux faire la guerre à ceux d'en face. Le feu en face, des yeux, la galère musicale. Un souci familial, faut surtout pas que t'entasses les deux. Perdu comme un tas de rêves, c'est ça le blême. Haine, tristesse à chaque 16, classique comme un cabrel. Ne pas se prendre la tête, ne pas se vendre. Y'aura toujours un fou pour dire j'achète. T'sais à quoi t'attends, y'a un pour la famille, deux pour mon crew. Fuck le reste, les faux frères et tout ce qui tourne autour. Y'a que des lâches, des traîtres, des forts. Y'a peu de braves, on me dit demain c'est loin, on est trop à attendre un nouveau choix. Un pour la famille, deux pour mon crew. Fuck le reste, les faux frères et tout ce qui tourne autour. Y'a que des lâches, des traîtres, des forts. Y'a peu de braves, on me dit demain c'est loin, on est trop à attendre un nouveau choix. J'suis pas de mon ami, les MC vont se faire la mal. Ceux qui me font mal à la tête, qui s'invitent pas à la fête. Pour qui j'ai pas besoin de barbales, par mal. Dégoulant la tête, avaler les mots, ouais, vanner les faux, leurs défauts. Assumer les faux, dis pas que c'est les autres, c'est les singes, des os qui se révoltent devant les micros. MC t'es trop mytho, vas-y, bouge de là, j'veux du bon matos. Qui fait tout, c'est qui laisse des traces déterminées comme un poteau qui fait pousser de la peu. Pas de brevet, que du blâme et la rame de me lever. Comme une envie de rester posé, pépère comme un dimanche sur les canapés. C'est le son des ruelles sales, fuck ta salle. Ça c'est hors, j'sais pas les USA. Non, t'peux pas plaire ça, t'attends le RSA pour avoir les plus belles sables. Garde-le ton vieux shit, tu crois qu'on va fumer ça. Ça clash de trop plus de messages marrants, va te plumer, sache. Ne dis pas que le biz ne fait de mal à personne. On y va, regroupé devant le mic, le fou devant se fâche ou bien je peux le faire seul. Ouais, j'en ai trop fait, je mérite aucun trophée. Des crochets, donc des mots à mots, j'ai sortir des projets pour se rapprocher. Yeah. Un pour la famille, deux pour mon crew. Fuck le reste, les faux frères et tout ce qui tourne autour. Y'a que des lâches, des traîtres, des forts. Y'a peu de braves, on me dit demain c'est loin, on est trop à attendre un nouveau choix. Un pour la famille, deux pour mon crew. Fuck le reste, les faux frères et tout ce qui tourne autour. Y'a que des lâches, des traîtres, des forts. Y'a peu de braves, on me dit demain c'est loin, on est trop à attendre un nouveau choix.